Chapitre 8e. Des flammes dans la nuit. Lorsque Jenny revint à elle, elle se retrouva couchée dans sa propre chambre avec un bandage autour de la tête. Il faisait grand jour et son mari était assis auprès du lit. Elle porta la main à sa tête et, regardant autour d'elle, elle demanda « Qu'ai-je fait ?»« Nous vous avons trouvé dans le corridor menant aux chambres des domestiques. Au nom du ciel, qui vous avait conduite là, Jenny ?» La scène de la nuit précédente traversa rapidement son esprit. Elle sentit que sa seule chance de salut était d'affecter l'ignorance la plus complète sur ce qu'elle avait découvert. J'ai cru avoir entendu un enfant pleurer et je me levai pour m'en convaincre, mais j'étais tellement faible que je pus à peine atteindre l'escalier. Je suppose que je m'évanouis en essayant de le faire. Son mari la regarda d'un air scrutateur, puis dit alors « Folle, l'enfant que vous avez entendu est celui de Marthe. Mon ancienne gouvernante s'est mariée il y a un an et demi. Elle est venue ici pour savoir si son frère peut lui trouver une place. Essayez de dormir, Jenny. Vous vous êtes fait du mal en vous levant hier soir. » Elle écouta le bruit des pas de son mari lorsqu'il quitta la chambre. Elle l'entendit suivre le corridor, les escaliers, traverser la salle et se diriger derrière la maison. Aussitôt que les portes se furent refermées derrière lui, elle se glissa hors du lit et s'habilla à la hâte avec les vêtements les plus chauds qu'elle put trouver. Le coup qu'elle avait reçu au front lui donnait le vertige, et il était tellement faible qu'elle était obligée de s'appuyer le long des meubles pendant qu'elle s'habillait. « Ô ciel miséricordieux, accordez-moi la force de me traîner hors de cet épouvantable endroit, » dit-elle, « où je ne sortirai jamais que couchée dans mon cercueil. » Elle mit son chapeau et s'enveloppa dans un grand châle de laine, se glissa le long du corridor, puis descendit lentement l'escalier. À son soulagement inexprimable, elle trouva le vestibule désert. Elle franchit la porte d'entrée et la ferma derrière elle. L'air froid de l'hiver la frappa au visage et la ranima. Elle leva les yeux vers la longue rangée de croisées et la triste façade en pierre de la maison, comme aurait fait un misérable criminel, regardant la prison de laquelle il venait de s'échapper. Elle avait attaché un voile épais sur son chapeau de paille uni. Si je rencontre quelques-uns des ouvriers, « ils me prendront pour une des servantes, » pensa-t-elle. Elle se hâta de traverser le jardin, la barrière, et arriva sur le bord de la rivière sans avoir rencontré personne. La marée était haute, la rivière gonflée par les pluies, les prairies près des rives à moitié couvertes d'eau. Elle semblait avoir une force surhumaine en cheminant le long de l'étroit sentier. « Le ciel soit béni, » dit-elle, « si je puis seulement arriver à la grande route. » Je pourrais trouver de l'aide en montant dans quelques voitures de paysans allant à Aulnay. » Mais à la première barrière, elle s'arrêta subitement. De l'autre côté de cette barrière, deux hommes travaillaient avec ardeur, avec des bêches et des pioches. Ils venaient justement de finir de creuser un fossé qui coupait le bord de la rivière et qui formait un canal par lequel l'eau des prairies s'écoulait. Ce fossé présentait une barrière infranchissable entre la ferme grise et le monde extérieur. Pour gagner la grande route par un autre chemin, Jenny avait à traverser une demi-douzaine de prés et à parcourir une distance de 2000. Son cœur sembla cesser de battre. « Il faut que je reste ici pour être assassinée, » dit-elle, « car la fuite est impossible. » Mais, si elle appelait un de ses hommes, malgré la largeur du fossé, il pourrait la soulever par-dessus s'il le voulait. Elle se traîna jusqu'à l'endroit où il travaillait. L'un d'eux lui tournait le dos tandis qu'elle approchait, mais au bruit de ses pas, il se retourna. Cet homme, c'était Ralph. La présence de l'intendant révéla l'horrible vérité à Jenny. Cette barrière entre elle et Aulnay était une partie de l'affreux complot dont le but et la fin en étaient sa mort à elle. « J'ai besoin d'aller à Aulnay, » dit-elle avec résolution. « Mettez une planche sur ce fossé, que je puisse le traverser. » « Je suis fâché, madame, » répondit Ralph avec tranquillité, « que ceci ne puisse se faire. « D'abord et avant tout, il n'y a pas de planche. Et quant à aller à Aulnay, j'ai peur que vous n'agissiez contre les ordres du docteur en étant sortie, madame, et je suis sûr que M. Carleone aurait le cœur brisé de vous voir courir les risques d'attraper un rhume. Mais le voici qui vient, justement. Il tranchera la question lui-même. » Pendant que l'homme parlait, le maître arriva à cheval. « Jenny, s'écria-t-il, vous, dehors, par cette fois de matinée, êtes-vous folle ? « Pour Dieu, revenez à la maison !»« Dudley, » dit Jenny, regardant son mari droit dans les yeux, « je veux m'échapper d'ici, je veux aller à Aulnay. » »« Ma chère enfant, vous n'êtes point du tout en état d'être dehors, mais c'est à peine si vous pouvez vous soutenir. « Soulevez jusqu'à moi votre maîtresse, Ralph, » dit-il. L'intendant souleva Jenny dans ses bras et son mari la plaça devant lui sur son cheval. « Mais Jenny, vous tremblez comme une feuille, vous attraperez la mort. » Elle le regarda avec des yeux graves et pleins de tristesse. « Oh, Dudley, Dudley, lorsque je vins ici, j'y vins pour mourir. J'étais averti, mais je ne voulais point écouter. » Ralph regarda son maître d'un air significatif. « Cette besogne doit être terminée ce soir, » dit-il en reprenant sa bêche. « Si vous voulez aller au Aulnay demain, madame, » ajouta-t-il, « vous pourrez le faire facilement. Nous aurons posé les tuyaux et recouvert ce fossé avant 10 heures ce soir. » Dudley se dirigea lentement vers la maison et porta sa femme dans l'entrée. Il se préparait à la monter, mais elle l'arrêta. « Laissez-moi me coucher sur le sofa dans le salon, » lui dit-elle. « Je déteste ces tristes chambres du haut. » Il la conduisit dans le salon, approcha le sofa près du feu, la couvrit avec une épaisse couverture de voyage et la quitta. Elle resta des heures entières à se répéter. « Que dois-je faire ? » Devait-elle appeler les domestiques pour la protéger contre Ralph et son complice, son criminel époux ? Il ne la croirait pas. Très probablement, Ralph leur avait appris à la considérer comme folle. Il les avait avertis de ne point prendre garde aux paroles échappées d'un esprit dérangé et malade. Sans doute il n'ajouterait point foi à ces accusations, pas plus qu'il n'avait cru aux paroles d'Agnès. Dans cette circonstance, il pouvait la trahir, et il ne ferait que hâter son triste destin. Toute communication entre Aulnay et la ferme avait été interceptée à dessein. Le docteur ne pouvait venir lui rendre sa visite habituelle. Elle était totalement dépourvue d'amis et complètement seule. Elle savait que depuis des semaines, elle avait pris un poison lent, que son meurtrier attendait le moment de lui administrer la dernière dose, et que celui-ci venant à manquer, il n'en reculerait pas devant un moyen plus violent. Il pourrait lui faire avaler de force la boisson mortelle. Comment pourrait-elle résister? Une main puissante sur sa bouche et ses cris seraient étouffés jusqu'à son dernier souffle. Il l'enterrait comme ils avaient enterré Martine, sans que l'ombre d'un doute s'élevât dans l'esprit du docteur, et personne, en dehors de cette habitation déserte, ne connaîtrait jamais la vérité. Cette fois, le temps s'écoula avec une effrayante rapidité. La nuit venait, l'heure à laquelle les gens avaient l'habitude de se coucher approchait. C'était cette heure qu'elle craignait plus que toutes les autres, car elle sentait qu'alors elle resterait seule avec Dudley et son intendant. Elle fixait la pendule avec la plus vive attention, écoutant aussi le premier son de la cloche annonçant le coucher des domestiques. Elle sonnait avec une ponctuelle régularité lorsque la pendule marquait 9 heures. Il était 8h25. Il restait encore 35 minutes, et pendant ces 35 minutes, il lui fallait trouver moyen de s'échapper. 35 minutes. Elle comptait les secondes par le tumultueux battement de son cœur. L'aiguille marquait juste la demi-heure, quand à sa grande terreur, la cloche tinta bruyamment. Elle se leva vivement de son sofa. Elle entendit les pas précipités des gens de la ferme s'élançant vers la porte de sortie. Ralph leur criait de toutes ses forces de se dépêcher, vivement, vivement, ou ils arriveraient trop tard. Que pouvait signifier ceci? Elle courut vers l'une des fenêtres, leva les jalousies et regarda dehors. Une meule de foin, dans un champ à quelque distance, était en feu. Elle se trouvait placée auprès de plusieurs autres et les ouvriers se hâtaient pour l'éteindre, afin de sauver les meules environnantes. Son cerveau travaillait, et l'idée que cet accident imprévu avait attiré Ralph hors de la maison lui traversa l'esprit. Elle était libre, libre d'essayer encore une fois de s'échapper. Mais comment? La porte d'entrée avait été laissée ouverte par les hommes en se précipitant dehors. Une inspiration subite fit remonter le sang chaud de son cœur vers son visage. La rivière était là. La rivière qui serpentait derrière la maison et que descendaient fréquemment les barques pour aller à Aulnay. Trop désespérée pour se souvenir de sa faiblesse, elle se glissa furtivement vers l'arrière de la maison en traversant la cour pleine de litière et de lait sur la berge. Il faisait excessivement noir. Elle regarda autour d'elle d'un air effaré. « Une douzaine de barques pourraient bien passer, se dit-elle, sans que je puisse en voir une. » Elle pouvait entendre la voix des hommes qui essayaient d'éteindre la meule de foin sur le devant de la maison. Elle attendit environ 10 minutes. 10 minutes interminables, et au bout de ce temps, elle aperçut une faible lumière glissant le long de la rivière. Comme elle approchait, elle vit que cette clarté provenait d'une lanterne suspendue au mât d'un bateau à charbon. Elle appela les hommes qui étaient à bord. Sa voix était faible à cause de sa longue maladie, mais ses cris répétés attirèrent enfin leur attention. « Qu'est-ce qu'il y a par là ?» demanda l'homme qui était au gouvernail. À cet instant, les flammes de la meule en feu qui avait été jusqu'alors cachée par la maison se montrèrent au-dessus du toit et projetèrent une lumière livide sur les bords de la rivière. « Mais la maison doit être en feu !» dit l'homme à son camarade. « Va à Terbil et vois ce qu'il y a !» L'un des hommes sauta dans un canot à l'arrière du bateau et le dirigea vers la rive où se tenait Jenny. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « La maison est-elle en feu ?»« Non, non, emmenez-moi à Aulnay !» cria-t-elle en suppliant. « Je vous donnerai 10 livres si vous me conduisez à Aulnay !» Le marinier pensa qu'elle était une des domestiques de la maison. « Mais de quoi s'agit-il, jeune fille ? Votre maître vous a-t-il maltraité ?»« Oui !» répondit-elle vivement. « Conduisez-moi à Aulnay, pour l'amour de Dieu !»« Soit, ma fille, alors donnez-moi la main !» L'homme la porta dans le canot et du canot dans le bateau. Son compagnon l'enveloppa dans une épaisse vareuse et la fit asseoir le long de la cheminée de la petite cabine. « Il fait chaud, la jeunesse, dit-il. Dans une heure d'ici, nous ne serons pas loin d'Aulnay. » Elle ne quitta point des yeux la lumière rouge qui éclairait le ciel et dessinait les angles aigus de la toiture et les cheminées de la ferme grise jusqu'à ce qu'un coude de la rivière vint à lui masquer la sombre demeure et la lui faire perdre de vue. Elle éleva ensuite son cœur vers Dieu et le remercia de son heureuse délivrance et de l'avoir préservé de la mort. L'un des hommes la conduisit enfin au presbytère et la remit entre les bras de M. Marlowe. Le digne pasteur fut étourdi et bien étonné à sa vue, mais elle lui dit seulement que son mari l'avait maltraitée et qu'il était venu se réfugier chez son ancien tuteur pour trouver une aide et un abri. Mais les terreurs qu'elle avait éprouvées pendant ce jour et cette nuit si abominables avaient été plus fortes que ne pouvait le supporter sa faible constitution. Elle eut un accès de fièvre cérébrale qui la força à garder le lit pendant des semaines. Dans son délire, elle racontait sans cesse les scènes dont elle avait été témoin. Agnès revint de Scarborough, ayant appris sa maladie, elle la soigna avec le dévouement d'une sœur. Aussitôt qu'elle eut assez de force pour pouvoir être transportée, ils la conduisirent à Burlington pour changer d'air. Jamais au presbytère on ne lui avait rien demandé sur la conduite de son mari à son égard, et de son côté, Jenny n'avait pris aucune information sur ce qui avait eu lieu pendant sa maladie. Elle éprouvait une singulière tranquillité d'esprit dans la société de ses chers et dévoués amis, et c'est à peine si elle avait assez de courage pour faire allusion au passé, si terrible pour elle. Cependant, elle avait remarqué qu'à sa première sortie du lit, Agnès et la servante qui la soignait l'avaient habillée en noir et que depuis, elle lui apportait tous les jours des vêtements de deuil. Ils étaient simples, mais bordés de crêpes. Le troisième jour, après son arrivée à Burlington, étant assise seule auprès d'Agnès, elle lui dit tranquillement « Agnès, pourquoi suis-je en deuil? Qui donc est mort? Êtes-vous assez forte pour qu'on vous le dise, Jenny? Pourrez-vous supporter d'apprendre quelque chose qui, peut-être, vous portera un coup? Oui, dites-moi tout, qui est mort? Dudley Carleon. » Les joues de Jenny devinrent pâles, mais elle ne proféra ni une exclamation de surprise, ni de chagrin. « Qu'un Dieu miséricordieux lui pardonne ses péchés, » dit-elle d'un ton solennel. Ce ne fut que lorsqu'elle fut tout à fait rétablie qu'on lui apprit toute la vérité. Dudley s'était noyé dans la rivière derrière la maison, la nuit de la fuite de Jenny. Et des démarches judiciaires avaient été faites par Ralph pour prouver que sa sœur Marthe était la femme légitime du dernier propriétaire de la ferme grise et que son fils était le véritable héritier du domaine. Le procès se termina en faveur de la mère et du fils, car on avait acquis la preuve que Dudley avait épousé sa gouvernante un an avant son mariage avec Jenny. Aussitôt après ces décisions, Marthe vendit la ferme grise et toutes ses dépendances et, accompagnée de son frère et de son enfant, partit pour l'Australie. Personne d'autre que ces deux personnes et Jenny ne connurent les véritables causes du suicide de Dudley. La plupart des gens l'attribuèrent à des embarras financiers et pensèrent que l'incendie de plusieurs meules de foin, d'une valeur importante, avait aussi contribué à pousser le jeune fermier à commettre cette triste action. On découvrit quelque temps après que l'état de foin avait été brûlé par un jeune homme qui avait été renvoyé de la ferme quelques jours avant l'incendie, à la suite d'une brutalité commise sur lui par Ralph. En avançant dans les terres en Australie, on trouve une riche ferme pour l'élevage des moutons. Elle s'étend à plusieurs milles au milieu de terrains magnifiques. Le propriétaire compte ses troupeaux par centaines et est sur le point de devenir un citoyen riche et honoré de cette contrée éloignée. Triste, maigre, brun et taciturne, il surveille ses serviteurs dans la ferme, toujours près d'eux, au moment où ils s'y attendent le moins, les observant lorsqu'ils pensent être à l'abri de son œil vigilant. Aussi brune et silencieuse que lui, sa sœur, en habit de veuve, se tient assise à la porte de leur cottage grossièrement bâti, allaitant son enfant maladif. Ils ne sont ni l'un ni l'autre aimés par leurs inférieurs et les gens qui dépendent d'eux, mais on les craint, et ils sont mieux servis que ne le serait un bon maître ou une bonne maîtresse. Jenny a gardé le secret de Dudley et a vécu assez pour faire un heureux mariage, mais pas assez pour oublier et ses terribles souffrances et sa miraculeuse délivrance des mains meurtrières de l'intendant Ralph. Marie-Elisabeth Braddon.